de Marseille comme SD, je suis du 9 de comme Joule, condamné à rester. L'argent me fait faire un tour, c'est pas le talent qui paye, gros qui paye, c'est un tour. J'compte ça comme billet bleu, toujours avant de rentrer. Quand tu nous parles, peste, t'es mort. T'as beau savoir boxer, on te baisse, t'es mort. Ballon d'or du club, je suis comme Benzema. Visière teintée, gantée sur tes masques. Tu goûtes la semelle, t'as laissé des trous. J'compte toute la semaine, la vie de Verratti. Ils attendent ma chute, ils m'insultent et draqué. On finit en gamos, full up Maserati. J'suis dans la ville, dans un petit thème avec les filles d'à côté. Tout mignon comme quand t'es mes belles ex, j'suis sur tes côtés. J'suis sur un yacht sur la côte, y'a trop d'attente sur la côte. Elle aime quand j'prends le dessus sur la côte. J'ai toute la nuit, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, y'a trop de gens qui marronnent. J'ai toute la nuit, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, y'a trop de gens qui marronnent. J'ai toute la nuit, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, trop de gens qui marronnent. Job toute l'année, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, trop de gens qui marronnent. J'mis la cagoule pour pas qu'on me crame sur le T-Max. Les petits enfants te montrent pas trop avec la Rolex. N'oublie pas ce qu'ils t'ont pas oublié quand t'es max. Les traits je les calcule plus un peu comme dans la DCT, c'est ça s'élimine. J'pète le compte vers la caisse et ça s'illumine. Ça pendant S1000 toute la semaine. Y'en a ils payent pas de mine, ils ont des arsenals. Dans l'OG avec mes OG. Affranchi comme Joe Petit. Faut pas le fou quand tu viens une déti. Ambitieux depuis petit. Caméléon, j'peux passer du stint à la Ferrari. J'me blesse, j'reviens fort comme un Minari. Électrique comme la gratte ou Paris. Cassé, plaqué 13. Marque pas les derbies et les crosses. R6, armes russes, tout ce qu'a goulé comme un bel encore. On se mélange pas, tout cas tu connais le dicton. Vends le bloc à demi-temps, sur la guitare, fais peur aux habitants. Job toute l'année, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, y'a trop de gens qui marronnent. Job toute l'année, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, y'a trop de gens qui marronnent. Job toute l'année, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, trop de gens qui marronnent. Job toute l'année, j'fais plaisir à la zone. Trop de condamnés, trop de gens qui marronnent.